si loin déjà, si loin de moi, si loin, oui, si loin de toi. Des appels improbables, des messages erronés, la voix essoufflée ne peut plus, ne sachant plus pardonner. Les mots viennent à manquer, vient la peur, les regrets et les absurdités. Toutes ces choses qui dépassent, qui ne trouvent plus leur place, erronées, amplifiées, à faire se sacrifier. Les hommes se sont battus, vas-tu pour des pensées. Tout est vu d'un point différent, la dilatation de l'espace-temps, le point milieu explose. D'où et dans quoi, dans un espace, l'univers Big Bang, tout se forme et se déforme. Avant rien n'existait, dans quoi, dans rien. Et un jour nous sommes sortis de rien, mais un jour n'est pas possible, car si rien, il n'y a pas de temps, donc tout est, tout était à l'état zéro. Tout était au départ, mais rien n'était parti. Et là, depuis, le cours s'accélère. Tout fiche le camp du point zéro, les planètes, les galaxies, les étoiles. Et ouais. Les trous noirs, les trous noirs, tout s'éloigne, d'où l'expansion de l'univers, mais l'univers est infini, donc de penser que le temps n'existe que là où il y a matière, la matière de l'instant, il n'y a pas d'expansion. Une bulle qui une bulle qui gonfle, sinon elle serait avec d'autres bulles dans l'univers, des bulles et au-delà, donc le temps va plus vite. Et au début de la pulsion, depuis zéro, se ralentit dans l'expansion comme une ficelle enroulée sur une poulie ou celle d'une tronçonneuse. Donc c'est le contraire. Au début on a du mal à la lancer, et à la fin la pulsion, tout s'accélère, et c'est là où nous sommes à l'accélération. L'accélération, les secondes passent plus vite, l'unité est la même, la matière s'accélère, regarde pour le fil, il mesure tout, toujours en centimètres, la même mesure, pourtant enroulé, on ne croirait pas, imagine que les centimètres sont des secondes, quand tu le tires, elle... Hein? La corde, elle... Elle va bien plus vite, elle. Et pourtant, toujours pareil. Donc, toujours autant de centimètres, et l'accélération va plus vite. Donc, reprenons. Dans tout désordre, il y a l'ordre, si explosion dans implosion, tout ça de pair à deux à deux, et ça dans toutes les dimensions. Donc pensez à la corde sur la poulie, si expansion et accélération, donc arrêt pour l'implosion, et l'accélération est arrêt. Voilà, et oui, voilà comment dire que nous existons. Nous n'existons pas. Car rien n'a existé, car rien n'est vrai. et tout est faux. Alors donc il n'y a pas de dilatation de l'espace-temps. Tout ça n'est qu'un souvenir des choses où et quand. Tout ça n'est pas juste un point de vue différent. Bref, la célèbre courbe du point zéro. Revenir à zéro pour tout monter, descendre, puis revenir à zéro pour équilibre. Voilà la bonne taille, voilà la bonne taille. Mettons de ce côté, sur de l'autre côté. Juste une divergence de l'opinion, de la raison.